Ici Yannick Saint-Pierre, directeur général de Jean Dumas Ford. En mon nom personnel et des employés de Jean Dumas, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et de bonne année. Merci pour la confiance témoignée pour l'année qui se termine. Soyez prudents et au plaisir de vous revoir en 2016. Cahouette Thériault et Associés, c'est Sénat des greffes de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron. Profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population. Et rappelle d'être prudent en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appartage, contactez le 418-24-78 ou encore le 275-51-51. Pour un bon repas des fêtes du 31 décembre, faites-vous conseiller par Salaison Besson. Notre personnel courtois sera vous guider dans notre comptoir de viande fraîche. Le personnel et la direction de Salaison Besson souhaitent à sa clientèle un joyeux Noël et une bonne année et les remercie pour la confiance témoignée au cours de la dernière année. Salaison Besson, 319 rue Dequin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0606. N'oubliez pas de consulter notre page Facebook pour les différents spéciaux. Parler de la date limite des transactions approche à grands pas dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est demain que les équipes, à partir de demain, n'auront plus le droit d'être en jeu. Hier, les Saguenay de Chicoutimi ont bâclé une transaction avec les Cataractes de Shawinigan. Donc, le directeur Yannick Jean a cédé Samuel Billier aux Cataractes de Shawinigan, obtenant en retour un choix de quatrième tour au prochain repêchage. Billier a marqué 8 buts et récolté 8 passes pour 16 points depuis le début de la saison. Il a été ennuyé, par contre, par différentes blessures depuis le début de la campagne. Samuel Billier a été un choix au repêchage 42e au total en 2012. Maintenant, on va parler que c'était également, depuis le début de la semaine, c'est le tournoi atome de Chicoutimi. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes catégories. D'abord, en atome B, les Voltigeurs de Chicoutimi ont défait les Loups de Dolbeau-Mistassini 3-1. Ça se déroulait dimanche. Catégorie atome 2C, les Sabres de Roberval 3 et les Saguenayens de Chicoutimi 1. Et les Sabres de Roberval ont également livré un verdict de 3-3 dimanche contre les Marquis de Jonquière. Maintenant, hier, il y avait des matchs de plusieurs rencontres. D'abord, le Titan de l'Abbé a perdu 10-0 contre les Harfans d'Alma dans la catégorie Atome B. Atome B également, les Wilds de Jonquière ont défait les Prédateurs de Chicoutimi 5-2. Victoire par Blanchard, les Aiglons d'Alma 3-0 sur le National de l'Abbé. Les Prédateurs de Jonquière ont vaincu l'extrême de Chicoutimi 3-0. Jonquière 3 les Olympiques de Chicoutimi 0 dans la catégorie Atome B. Atome A, verdict nul de 2-2 entre les Admirals de Chicoutimi et les Blue Jackets de Jonquière. Les Flames de Jonquière ont défait le National de la Baie 6-2. Et victoire des Cougars de Chicoutimi 4-1 sur le National 1 de la Baie. Le sport local et régional, atteindre radiosport.com, on s'en occupe.